Parmi ceux qui avaient intégré Dettrick, il y avait William Capers Patrick, dont les origines se situaient sur les lointaines tourbières d'Irlande et d'Écosse. Son second prénom était celui d'un évêque méthodiste, et il avait été élevé dans un pays de chasse et de pêche, le long du fleuve Savannah. Gottlieb avait suivi l'évolution de la carrière de ce jeune microbiologiste. Bill Patrick était très indépendant et toujours prêt à relever un défi pour en savoir plus sur ce monde invisible où les bactéries se livrent des guerres microscopiques. Le docteur Gottlieb envoya une discrète invitation au docteur Patrick pour lui proposer d'entrer à Fort Dettrick. Il lui promit des fonds comme il n'en avait jamais eu et la possibilité d'accomplir un travail crucial pour la protection des États-Unis. Gottlieb jouait souvent la carte du patriotisme pour convaincre quelqu'un de venir à Dettrick, se rappelait plus tard Buckley. Peu après le 25e anniversaire du docteur Patrick, sa voiture passa les barrières gardées du fort et entra dans un monde dont très peu de gens connaissaient l'existence. En quelques mois à peine, encouragé par le docteur Gottlieb et supervisé par Frank Olson, le microbiologiste créa de minuscules bombes biologiques. Ces mini-bombes étaient conçues pour pénétrer jusqu'au fond du système respiratoire humain en entrant par la bouche et le nez pour atteindre les poumons. Là, dans l'humidité spongieuse des bronches, les organismes se développaient à une vitesse hallucinante, ce qui les faisait se multiplier par millions. Pour vérifier leur efficacité, on fit des tests sur des centaines de soldats américains qui ne soupçonnaient rien. Ces expériences furent conduites à Fort Dettrick, dans des salles hermétiques, et au terrain d'essai de Dugway, un site d'essai militaire dans le désert de l'Utah. On avait fait croire aux troupes, entièrement composées de volontaires, qu'elles participaient à un projet de recherche pour trouver un remède contre le rhume. Des prisonniers du pénitencier de l'État de l'Ohio furent également recrutés après qu'on leur eut promis des réductions de peine. Les prélèvements de crachats confirmèrent que les mini-bombes étaient idéales pour transmettre tout un éventail de bactéries. Le docteur Patrick et Frank Olson travaillèrent ensuite sur l'utilisation de l'anthrax en tant qu'arme. Ils calculèrent que sous forme d'aérosol, un peu moins de 4 litres de bactéries pouvaient donner 8 milliards de doses, une quantité suffisante pour éradiquer toute vie humaine et animale de la planète. Pour tous ceux qui participaient aux recherches, les risques étaient considérables. Deux techniciennes qui travaillaient dans un laboratoire à haut risque tombèrent enceintes. Leurs bébés naquirent avec de si affreuses malformations que leur mort fut indubitablement un grand soulagement. Les deux nouveau-nés furent autopsiés par les pathologistes de Dettrick, puis on incinéra leurs dépouilles. En 1953, l'année où Frank Olson fut assassiné, on comptait déjà plus de 500 décès dus au fait que certains de ses collègues avaient été contaminés par l'anthrax ou le typhus bolivien. Comme le parka, ces maladies rongent tous les organes internes et transforment le sang en une espèce de vase plus ou moins transparente. Sur la décharge qu'elles avaient toutes signée, les victimes acceptaient que leur corps soit autopsié. Les résultats ne furent jamais transmis aux familles. Gottlieb appelait ceux qui avaient perdu la vie « nos héros méconnus ». Le docteur Patrick contracta la fièvre de Queensland, ainsi nommée parce que c'est dans l'État australien du même nom qu'elle fut découverte en 1953. Ces symptômes de type grippal entraînent également des hallucinations. Si ces effets sont débilitants et mettent longtemps à guérir, son taux de mortalité est très bas. Gottlieb décida que la fièvre de Queensland faisait une arme idéale. Les troupes de terrain seraient réduites à l'incapacité et auraient besoin de soins considérables. Une armée contaminée ne serait absolument pas en état de combattre. Pour en tester l'efficacité, on décida d'utiliser des adventistes du septième jour. Cette religion repose sur le commandement de l'Ancien Testament « Tu ne tueras point ». Les adventistes sont objecteurs de conscience et refusent de porter des armes. mais ils acceptent de servir en tant que porteurs de brancards, infirmiers ou tout autre rôle non violent. Ils ont également le droit de participer aux essais médicaux, à condition que leur objectif soit de faire le bien. On leur inculque qu'ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour soutenir la loi de leur pays et le gouvernement du moment. Le docteur Gottlieb envoya un message soigneusement rédigé aux adventistes. Il demandait des volontaires pour un test de médecine militaire qui pourrait également avoir des effets bénéfiques sur la santé publique. En tout, 2200 personnes se portèrent volontaires. Le docteur Gottlieb avait trouvé ses cobayes pour le projet dont le nom de code était CD22. Si les tests de la fièvre de Queensland fonctionnaient, on pourrait de nouveau les utiliser pour tester des bactéries pathogènes plus dangereuses. Des groupes entiers d'adventistes furent amenés par avion à la base aérienne d'Andrews, aux alentours de Washington. Buckley les escorta à Fort Detrick. Gottlieb et plusieurs autres scientifiques de la division des opérations spéciales les y attendaient. Ils avaient passé les semaines précédentes à préparer des fournées de petites doses de fièvre de Queensland. On escorta les adventistes vers les bâtiments sans fenêtres qui surplombaient le camp et abritaient la sphère où Frank Olson avait débuté en sacrifiant les insectes que le docteur Gottlieb avait rapportés de Corée. Cette sphère avait maintenant un nom, la boule 8. Les adventistes prirent un ascenseur vers une station de travail. Ils reçurent chacun une longue blouse blanche de laboratoire et furent conduits dans une pièce au mur de verre où on leur demanda de mettre un masque connecté à un tuyau de caoutchouc. La porte se referma avec un léger sifflement, indiquant qu'elle était hermétiquement close. Dans la cabine de contrôle adjacente, un technicien pressa un bouton sur le tableau de commande et une quantité mesurée de fièvre de Queensland passa en silence dans les tuyaux pour arriver jusqu'au masque. Au bout d'une minute, le test était terminé. On demanda aux volontaires de retirer leur masque, on ouvrit la porte et ils furent conduits dans une salle d'isolement dans un autre service. On fit venir le groupe suivant pour répéter le processus. Les 34 volontaires de ce groupe montrèrent tous des symptômes de la fièvre de Queensland dans les jours qui suivirent. Ils réagirent rapidement à l'oxytétracycline, un antibiotique puissant, et furent tous guéris. Les résultats des analyses de crachats révélèrent que les bactéries pathogènes s'étaient logées dans leur système respiratoire. La fièvre de Queensland se prêtait donc parfaitement à la propagation par aérosol. Il ne restait plus qu'à en augmenter la puissance, se coordonna immédiatement Gottlieb. Il se rendit ensuite à son bureau de Washington où il devait rencontrer le docteur Ewan Cameron.